be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde. Voyez les geishas, ces femmes japonaises. Bah David Jeanmot a un éventail oui. À la geisha. Voilà. Vous avez chaud ? J'ai très chaud. Ouais, tu ne trouves pas qu'il a un air de geisha ? Il a laissé les néons juste derrière. Mais c'est vous qui me chauffe, ouais. Les garçons. Madame de Padua. Ses cheveux. Alors, est-ce sale ou est-ce tendance moderne ? Je ne sais pas. Et regarde si tu regardes les paillettes. Il y a plein de paillettes à l'intérieur. On dirait que c'est gominé un peu. Ça colle. Ouais. C'est gominé avec des paillettes. Vous savez faire la voix du parrain sicilien ? Ça fait un peu ça. Ma, écoute, Benjamin, tu vas voir. Mais tu vois Christophe Grandjean, si tu dis du mal, il va te faire du mal. Jean-Motte est irrécupérable. Tout va finir dans un coffre. Vous pourriez faire ça, Christophe, un peu de paillettes et de gominage dans les cheveux. Paillettes, enfin, qu'est-ce que vous dites ? Mais c'est le parrain moderne. Eh ben oui, c'est le parrain moderne. C'est la marraine, surtout. Oui, c'est ça. Tu vas avoir de gros problèmes quand même. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Alors Gino, tu me dis la météo ou pas ? Oui, mais fais attention, je n'ai pas beaucoup d'humeur capillaire. Denis. Ni d'humour capillaire. Mais bon, allez, aujourd'hui, de toute façon, eh bien, je comprends l'éventail. C'est vrai que ce sera la journée la plus chaude de la semaine. On attend 24 à 28 degrés, peut-être même 29 en camping. Grand soleil le matin, quelques nuages élevés l'après-midi. On garde encore un temps sec, un petit peu moins chaud pour demain. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, peut-être un espoir de rassembler à la même table la direction de Caterpillar et les politiques. Caterpillar avait boudé l'invitation des députés mardi, prétextant le respect de la procédure Renault. Le service juridique de la Chambre a vérifié, c'est un mauvais prétexte. Il n'y a aucune objection juridique à ce que, à l'extérieur des réunions avec les organisations syndicales, l'entreprise communique à l'extérieur, que ce soit à l'égard des médias, ou que ce soit au Parlement, ou que ce soit dans d'autres instances. Reste à voir maintenant si la direction de Caterpillar changera d'avis. En attendant, l'Europe s'apprête à soutenir le personnel qui va perdre son travail en activant un fonds de solidarité. La journée internationale de l'alphabétisation, Marie-Thérèse nous expliquera les difficultés et parfois la discrimination dont elle a été victime quand elle avait du mal à lire et à écrire. Moi, président, je vaincrai les terroristes en 30 jours. Donald Trump a encore fait dans l'exagération en présentant son programme de défense. Le coup d'envoi cette nuit des Jeux paralympiques de Rio, 29 Belges au Brésil, avec des chances de médailles, notamment pour le pongiste Marc Ledoux qui concourt dès aujourd'hui. Et puis la rentrée des académies, reportage tout à l'heure avec des enfants qui ont décidé d'apprendre la musique, le théâtre ou la danse. L'avenir de Caterpillar a donc été évoqué hier soir entre le ministre-président wallon Paul Magnette et la commissaire européenne Marianne Thyssen. Avec une bonne nouvelle à la sortie, la Commission européenne va mettre rapidement en place une task force, un groupe de travail. Quelle sera sa mission, Lionel de Neubourg ? Réunir les fins limiers, tous les experts européens, ceux concernés directement par le dossier Caterpillar. Ça permettra d'éviter les lourdeurs administratives, être plus efficace, plus rapide. Concrètement, quand la Wallonie aura besoin d'un avis, elle aura un interlocuteur direct, elle ne perdra pas de temps. De quoi peser plus efficacement sur les négociations, être plus armée face aux géants américains. Cette task force, elle sera mise sur pied dans les jours qui viennent. Et est-ce que l'Europe va débloquer de l'argent ? C'est possible. On sait que Paul Magnette a demandé d'activer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, un fonds de solidarité qui est doté de 150 millions d'euros au total. Sur le principe, la commissaire européenne Marianne Thyssen est d'accord, mais la décision ferme n'a pas encore été prise. On ne sait pas non plus encore combien d'argent serait débloqué. Et à propos de Caterpillar encore, mardi, l'absence des patrons de l'entreprise avait été critiquée, l'absence lors des commissions de la Chambre. Caterpillar avait invoqué le respect de la procédure Renault qui, de leur point de vue, oblige de réserver les informations exclusivement au conseil d'entreprise. Mais apparemment, il n'en est rien. Un avis a été demandé au service juridique de la la Chambre, il donne tort à la direction de Caterpillar, comme l'explique Jean-Marc Delizet, le président de la Commission des Affaires Sociales. Quand on lit l'avis juridique effectué donc par les services juridiques de la Chambre, on se rend compte qu'au-delà de la première phase d'information, il n'y a aucune objection juridique à ce que, à l'extérieur des réunions qui peuvent se produire avec les organisations syndicales, il n'y a aucun obstacle à ce que l'entreprise communique à l'extérieur, que ce soit à l'égard des médias, ou que ce soit au Parlement, ou que ce soit dans d'autres instances. C'était donc un mauvais prétexte. C'était pas un bon argument, effectivement. Donc je pense qu'on peut l'appeler un prétexte. Je pense que c'est le mot qui convient dans ce cas-ci. Donc voilà, sur base de cela, nous allons adresser un nouveau courrier aux représentants de la direction à Gosselies. Et donc nous allons leur demander, avec insistance, à la demande d'ailleurs de l'ensemble des collègues qui l'ont demandé également, nous allons leur demander de pouvoir organiser un échange de vues sur le dossier au Parlement. Dans le même temps, vous pouvez insister, mais vous ne pouvez pas les contraindre. Nous n'avons pas de moyen de contraindre. Il ne s'agit pas d'une commission d'enquête, il s'agit simplement d'avoir des éléments d'explication du dossier. Nous n'avons effectivement pas de moyen de contraindre. Le député Jean-Marc Delizet, interrogé par Pierre Magos, on ne connaît pas encore la réaction de la direction de Caterpillar. Si elle acceptait d'être entendue, cela ne pourrait être que plus tard, puisqu'aujourd'hui, les commissions des affaires sociales et de l'économie auront un échange de vues avec le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Emploi, Chris Peters. Ce matin, l'agression de deux policiers à Molenbeek est toujours inexpliquée. Un homme a frappé à coups de couteau deux agents de quartier hier après-midi dans la commune bruxelloise. Grâce à leur gilet pare-balles, les policiers n'ont pas été blessés. L'agresseur est en séjour illégal en Belgique. Ses motivations restent floues pour l'instant, mais la piste terroriste est a priori écartée. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle agression contre des policiers. À Uccle, autre commune bruxelloise, un projet est à l'étude. Doter les policiers de taser, ces pistolets électriques qui paralysent normalement sans tuer, même si des décès ont parfois été signalés. Eric Sachs est l'échevin uclois à l'origine de ce projet. Pour lui, le taser sera toujours moins dangereux que les revolvers. Il y a toujours une balle qui peut se perdre. Je me suis posé la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'utiliser d'autres armes avec un risque de danger nettement inférieur à l'usage d'une arme à feu. Je pense également à nos policiers qui, psychologiquement, une fois qu'ils doivent faire usage de leur arme à feu, ne doivent pas être bien pendant tout un certain temps. Les tasers ne sont pas actuellement autorisés en Belgique par la loi, je crois, du 9 juin 2006 sur le port d'armes qui interdit l'usage des armes à électrochoc. Mais malgré tout, le service public fédéral, le SPF intérieur, permet aux unités spéciales de la police fédérale d'en acquérir et d'en faire usage. Cela veut dire que le cas échéant, il vous faudra demander l'autorisation au niveau du fédéral. Tout à fait. L'échevin Eric Sachs à Uccle, interrogé par Jérôme Durand. Le ministre de la Justice veut durcir la législation routière. Koen Gaens annonce notamment la création de Mercurius, une base de données commune à tous les services de police et qui détaillera toutes les condamnations, les éventuels retraits de permis d'un conducteur. Le ministre de la Justice veut aussi sanctionner plus sévèrement les récidivistes et renforcer la lutte contre la drogue au volant. C'est la journée internationale de l'alphabétisation et ce constat qui n'évolue pas malheureusement au fil des ans, Christophe. En Fédération Wallonie-Bruxelles, une personne sur 10 a de grosses difficultés à lire et à écrire. C'était le cas il y a quelques années de Marie-Thérèse. Depuis 6 ans, elle participe aux formations de l'association Lire et Écrire dans la région de Neuchâteau. Elle nous explique en quoi ce handicap a pourri sa vie et comment il a été difficile au début de se rendre aux formations. On est très timide, on ne sait pas dans quoi on se lance. Et quand j'ai ouvert la porte à lire et écrire, je ne parlais pas. J'étais fort enfermée et j'ai eu comme une famille qui m'a accueillie. Et là, je m'ai bien sentie, j'étais bien et tout ça, que maintenant, j'arrête plus de parler. C'est vrai que c'est agréable. C'est là qu'on se sent quelqu'un. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Quand on va pour un emploi, on dit « Ah ben non, vous avez des difficultés ». Ça, c'est très dur. J'ai postulé dans une école. C'était rien que pour garder des enfants pour temps de midi. La dame, elle a dit « Ah ben non, vous ne savez pas lire. Si l'enfant demande comment est Paris, vous ne saurez jamais répondre et tout ça. » Et on saurait répondre. Hein. Et ça, on se sent mal parce qu'on se sent dévalorisé. On se sent rabaissé. Et au lieu de dire « Venez une semaine, essayez une semaine et puis après on verra. Si vous êtes capable, vous continuez. » Marie-Thérèse rencontrée par Philippe Herman. AB InBev avale de nouvelles bières. Le groupe brassicole vient de racheter la brasserie Bostels, une entreprise familiale fondée en Flandre en 1791. La triple Carmélite et la Quack appartiennent donc à AB InBev. Désormais, on ne connaît pas le montant de la transaction. La campagne présidentielle aux États-Unis maintenant et Donald Trump qui a détaillé ses projets en matière de défense. Le candidat républicain était l'invité d'une émission TV hier soir et Donald Trump a fait du Donald Trump, Julien Geffredo. Bah oui, quand Donald Trump fait la politique, même s'il s'agit de défense ou de diplomatie, la recette est toujours la même, prendre le contre-pied, surprendre et surtout ne pas suivre l'establishment américain, quitte à proposer des alliances improbables. Je crois que j'aurai de très très bonnes relations avec Poutine et je crois que j'aurai une très très bonne relation avec la Russie. Vous savez ce qu'il y a de beau à bien s'entendre ? La Russie veut battre l'État islamique tout autant que nous. Si nous avions une relation avec la Russie, est-ce que ce ne serait pas merveilleux si nous pouvions y travailler ensemble et mettre l'État islamique KO ? Voilà, le candidat républicain veut, dit-il, un plan pour vaincre l'organisation terroriste en 30 jours, les 30 premiers jours de sa présidence. Mais Donald Trump n'oublie pas que ses véritables adversaires sont les démocrates, même lorsqu'il parle de Vladimir Poutine. Cet homme contrôle parfaitement son pays, bien sûr, c'est un système différent et je n'aime pas ce système, mais dans ce système, il a été un leader bien plus que notre président. Nous avons un pays divisé, nous avons un pays avec Hillary Clinton et ses emails que personne n'a jamais vus, où elle efface 33 000 emails. Alors même lorsque Donald Trump parle de défense ou de politique étrangère, on le voit, la politique intérieure n'est jamais très loin. Merci Julien Geffredo. En France, Salah Abdeslam est convoqué chez le juge d'instruction ce matin. Une nouvelle audition pour le principal suspect des attentats du 13 novembre dernier à Paris. Depuis son transfert de la Belgique vers la France, Salah Abdeslam est resté muet. Il est 8h09, c'est le 8-9 Sport et les Jeux Paralympiques, c'est parti. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée cette nuit à Rio. La délégation belge est composée de 29 athlètes, dont un pongiste louviérois, Marc Ledoux. Son portrait avec Grégory Fob. En tennis de table, Marc Ledoux occupe la 10e place du classement paralympique mondial. Il est hémiplégique de naissance, il souffre d'une déficience musculaire de la jambe et du bras droit. Un handicap qui ne l'a pas empêché de faire d'excellents résultats face à des pongistes valides. Il évolue d'ailleurs actuellement en 2e division nationale. Claude Blondeau est le président de son club situé à Manage. Donc il joue tout à la main gauche. Servir par exemple, il lance la balle avec la main qui tient la raquette, ce qui n'est pas évident. En paralympique, je veux dire, ben là il rencontre d'autres joueurs qui ont le même handicap ou des handicaps à peu près équivalents. Mais je vais dire, quand il joue chez nous au club, je vais dire, mais il joue pour des gens valides quasi toute la saison. Marc Ledoux est aujourd'hui pongiste professionnel. Il est sous contrat ADEPS depuis 2010. Chaque année, bien sûr, il faut faire des résultats, parce que c'est des contrats renouvelables en fonction des résultats effectués dans les grandes compétitions chaque année. Et ici, ben voilà, pour notre part, c'est une médaille au jeu pour que ça soit renouvelé l'année prochaine. Marc Ledoux connaît bien les Jeux Paralympiques. C'est la 4e fois qu'il y participe. J'avais commencé à Athènes en 2004. Puis en 2008 c'est à Pékin, en Londres en 2012 et ici maintenant en Rio cette année-ci. Première rencontre pour le Louviérois ce soir face à un Français numéro 3 mondial. Demain, il doit affronter un pongiste anglais qui occupe lui la 11e position du classement. En basket, la Belgique a signé son 3e succès consécutif dans sa campagne qualificative pour l'Euro 2017. Les Belgian Lions se sont imposés 80-65 hier soir face à l'Islande, l'autre favori du groupe. Une victoire difficile mais importante puisqu'elle permettra peut-être aux Belges de prendre part à un 4e Euro consécutif. Jacques Stas, le manager sportif de l'équipe belge. Mais on savait que cette équipe islandaise, qualifiée aussi elle pour le dernier Euro, allait quand même se battre et était une équipe quand même qu'il fallait surveiller. On a 15 points à la fin, on aurait signé à la mi-temps pour avoir ces 15 points à la fin, donc une victoire 3 sur 3, dont 2 à domicile, faut pas l'oublier, on va devoir se déplacer 2 fois sur 3 maintenant, il faut rester concentré et surtout aborder ce prochain match à Chypre où là ça peut être déterminant, si on va chercher cette victoire on a déjà de grandes chances d'être qualifié et puis bien sûr on recevra cette équipe suisse puis on aura un déplacement très compliqué en Islande, ce sera vraiment un gros challenge là-bas mais enfin si on peut déjà avoir 5 victoires avant d'y aller en Islande, je crois qu'à ce moment-là on aura notre ticket pour l'Euro 2017. Jacques Stas au micro de Pierre Capard. Les Belgian Lions s'occupent donc seuls la tête du classement avant ce déplacement à Chypre samedi. En tennis, la deuxième demi-finale messieurs de l'US Open opposera le japonais Nishikori au Suisse Wawrinka. Nishikori avait réussi hier soir à éliminer l'écossais Andy Murray en 5 manches et Stan Wawrinka s'est lui qualifié il y a quelques minutes au détriment de l'argentin Juan Martín Del Potro. Le score 7-6, 4-6, 6-3 et 6-2. Aujourd'hui, place aux demi-finales dames à New York, Serena Williams contre Carolina Pliskova, suivi par le match entre Wozniacki et Kerber. Bon, je vous apprends rien en vous disant qu'il y a une semaine, les premiers élèves retournaient en classe. Mais en septembre, Christophe, c'est aussi la rentrée dans les académies. Oui, et l'académie, c'est encore plus rigolo que l'école. On y apprend la danse, le théâtre ou la musique. Exemple, à l'académie Grétry à Liège, 1600 élèves sont inscrits là-bas, dont 2/3 d'enfants. Reportage de Florence Surner et Clémence Van Egmont. Inès a 13 ans et cette année, eh bien, c'est la 5e année consécutive qu'elle s'est inscrite à l'Académie Grétry. 4 heures par semaine, elle étudie le piano et le solfège. Moi, j'aime bien l'ambiance qui est en classe et j'aime bien, au début, on part vraiment de rien. Puis au final, on arrive à le faire relativement facilement. Béatrice Lacarouba est professeure de piano et elle enseigne depuis maintenant 10 ans à l'Académie. On évolue en fonction des élèves qu'on a, évidemment, puisque tout se modernise et on leur permet, évidemment, de temps en temps, de faire des musiques de films, des musiques un peu qui s'apprécient. On s'adapte aussi à l'évolution. À mon époque, c'était pas comme ça. Jeanne, à 9 ans et demi, elle commence sa 5e année en danse classique. Quand je voyais toutes ces danseuses qui dansaient, je me suis dit que ce serait chouette d'être comme eux. Avant, je faisais de la flûte traversière et du solfège, mais maintenant, j'ai arrêté et je fais que de la danse, mais je m'amuse bien à la danse. Tu te vois continuer ? Jusqu'à être une danseuse étoile. Ah, oh, bah elle a de l'ambition, Jeanne, de devenir danseuse étoile. David Jean-Motte, lui, il a déjà la coupe et les paillettes. Ça va s'arrêter là, à mon avis. Vous mais... êtes dans le lac des cygnes. Le lac des cygnes, c'était David Jean-Motte. Mais c'était moi. Mais évidemment. J'avais 6 ans, mais dans c'était Mozart, moi. Dans Mozart, l'opéra rock, c'était David Jean-Motte. Mais bien sûr. Dans Dirty Dancing. Ce n'était pas moi. Le porté. Ouais. Ben j'étais trop lourd. J'ai longtemps cru que c'était vous. Eh bien, non. Ouais. Vous vous souvenez de Bon Week-end à l'époque sur la Une télé. Il y avait un personnage qui s'appelait Berlu avec son t-shirt jaune. Oui. Bleu, pas Madame Gertrude, hein, Berlu. Berlu. Bah, Berlu, en fait, dans la vraie vie, s'appelle Luc Bernard. Il est en ce moment au théâtre avec Petits crimes conjugaux, inspiré du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est une grande tournée à Bruxelles et en Wallonie. Et bien, Luc Bernard, dit Berlu, sera notre invité tout à l'heure. On fera avec lui un petit bond dans le temps. Ça nous replongera dans ces années où nous avions 15 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans déjà pour certains. Il est 8h15, le cactus. Si, certains. Jérôme, l'actualité, une étude de l'UCL qui est interpellante, l'ouverture des Jeux paralympiques à Rio et le nouvel arrêt de la centrale de tir. Oui, bonjour, un donderdag à l'Ouestmaal et à l'UCL. Oh, joli. Vous l'avez dit, Benjamin, interpellante, cette étude de l'UCL démontre qu'un étudiant sur 4 est régulièrement sous. C'est donc une bonne nouvelle de constater par ricochet que 3 étudiants sur 4 tiennent donc très bien à l'alcool. Vous voyez, notre réputation n'est pas usurpée. On y apprend aussi que l'étudiant est logiquement beaucoup plus confronté à l'alcool lorsqu'il est en côte que lorsqu'il vit chez ses parents. Bon, à quelques exceptions près, bien sûr, Frédéric Dardenne, par exemple. Oh, voilà. Vraiment. Ce phénomène d'alcoolisme chez les jeunes est très inquiétant. On pense à fonder des sections jeunes des alcooliques anonymes, comme il y a des sections jeunes du PS, du MR. Attention à ne pas organiser les séances en même temps, j'ai quand même bien l'impression que beaucoup participent aux deux quand on voit les... Les Jeux paralympiques se sont ouverts hier à Rio. 4300 athlètes présentant tous un handicap seront sous les feux de la rampe, si vous me passez l'expression. Un peu d'étymologie, les Jeux Olympiques tirent, comme vous le savez, leur nom de la ville d'Olympie, alors que la Jupiler Pro League tire le sien des études de l'UCL. On le sait moins, par contre, on ne le sait pas du tout, les Jeux Paralympiques sont issus de la ville de Paralympie, dont les ruines, paraît-il, sont bien mieux protégées. Oh. Alors, comment... Merci, Christophe. Alors, comment arrive-t-on à participer aux Jeux Paralympiques? Par accident, hein, essentiellement. Ouais, ouais. C'est ce qu'a répondu un joueur de tennis handicapé français après un accident de ski. Bravo, beaucoup d'autodérision. Bon, de là à ce que Michael Schumacher se remette au tennis et fasse de l'humour, maintenant... Bon. 10 jours de compétition. Non, j'arrête. 10 jours de compétition, les épreuves reines étant programmées forcément le 8e jour, forcément. Cette année, les produits dopants sont, paraît-il, légion. Lors des courses en chaise roulante, on se dope, nous dit-on, à tour de bras. Mais les Russes, c'est un festival, tels leurs homologues valides, attendez, parce que le meilleur arrive. Mais les Russes, tels leurs homologues valides, n'ont pas été autorisés à participer aux compétitions, qui se voient donc amputées de ses meilleurs athlètes. Il faut dire que les Russes n'ont pas pu s'arrêter à temps. On a même vu des chiens d'aveugles participer et remporter les épreuves de saut à la perche, vraiment. Sans compter qu'un champion paralympique russe privé de bras et de jambes avait même réussi à battre le record du monde du 100 mètres nage libre pour valide. Merci. Sachez aussi... Sachez aussi qu'un athlète peut participer aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Cela avait été notamment le cas d'Oscar Pistorius, hein, qui n'avait pas réussi à décrocher un podium chez les valides, mais qui, de l'autre côté, remporta haut la main l'épreuve du tir conjugal à bout portant. C'est d'ailleurs Bernard Westphal qui s'était chargé de lui remettre sa médaille. Je m'étonne de vos offuscations, monsieur Maréchal. Je trouve formidable qu'à côté des jeux pour valides, on ait des jeux pour athlètes handicapés. Il faudrait que notre législation politicarde s'inspire de cet exemple, que nous ayons deux gouvernements, un composé de ministres valides, et puis celui qu'on a maintenant. Détail amusant, certains sportifs se sont fait passer pour handicapés dans leur spécialité, alors qu'ils ne l'étaient pas. Non. Si, au contraire de Charles Michel, quoi, si vous voulez. Oh, oh. En effet, les athlètes n'avaient subi aucun test pour évaluer leur capacité mentale. Un système calqué sur celui d'embauche dans certaines administrations, que nous ne ciblerons pas ici, évidemment, surtout que j'ai encore des PV qui traînent, donc... Un espoir de médaille pour notre délégation en football, puisque Vincent Compagnie sera titulaire sur le banc, quoi qu'il arrive. Et notons que la plupart de nos arbitres de football en Division 1 sont à Rio, puisqu'il est acquis et prouvé via les nombreux ralentis télé de la Pro League, qui sont quasi tous aveugles. De nombreuses personnalités internationales se rendront au Brésil, telles François Hollande, Nadine Morano, Donald Trump, mais elles n'ont pas encore déclaré à quelle compétition elles prendraient part. Bonne chance à tous, bien sûr. Il n'y avait pas grand monde dans les gradins lors de la première journée de compétition hier. Et pour cause, c'était l'épreuve de tir à l'arc réservée aux non-voyants. Dernière news, Tihange 1 est à nouveau à l'arrêt. Les riverains exigent le démantèlement complet de la centrale et ont d'ailleurs signé une pétition des quatre mains. Voilà. Je vais te frapper un petit peu pour tous les gens qui sont en mobilité réduite. Oui, je sais pas quoi dire. Si quelqu'un a un commentaire, c'est maintenant qu'il se taise à jamais. Bon, c'est les premiers à rigoler, j'en suis sûr. Oui. Moi, je voulais simplement dire, il y a aussi les handisports, parce qu'ils ne sont pas aux Paralympiques. Ouais. Et donc, je tiens à les saluer, parce qu'ils sont très nombreux. En Belgique, ils sont 36 000. Voilà. Ok, bah écoutez, merci pour votre commentaire. Oui, je pourrais vous écouter pendant des heures, mais à 8h20, c'est ça le 8-9. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Comment ça roule à 8h20 avec Serge, notre motard Europe Assistance? On va tâcher d'en savoir plus. Rebonjour Serge. Rebonjour. D'abord quelques nouvelles du boulevard de la Volue, puisque c'est là que je me trouve. Vous savez, ce chantier au croisement de la Tramelane et aussi au croisement de la chaussée de Louvain qui n'en finit pas, si ça va encore durer des années. Alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui, vous allez certainement perdre 10 à 15 minutes d'un côté comme de l'autre. Par contre, l'autre chantier côté Volue et Saint-Lambert, là ça va beaucoup mieux. Alors sur le ring, rien de très particulier, les files habituelles à Waterloo, Tervuren, également du monde entre Strombeek et Jette. Ça, c'est pour l'extérieur, et à Grand Bigard pour l'intérieur. Et alors, sur les autoroutes pour arriver vers Bruxelles, vous perdez au grand maximum 10 à 15 minutes sur la plupart des autoroutes. Merci beaucoup, Serge. Restez prudent sur la moto. On vous rappellera tout à l'heure, juste après le journal bruxellois, aux alentours de 8h36 en direct des routes sur Vivacité. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'été n'est pas fini, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'hiver. Chez Williams, nous vous offrons des prix fous sur tous nos châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du bon côté. Les prix fous Williams, c'est jusqu'au 30 septembre et c'est pour votre bien-être. Plus d'infos au 02 374 3006 ou sur châssiswilliams.be. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. Et puis ça sentait le bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça, c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes ces 10 et 11 septembre. Et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, une TV LED Full HD Samsung pour 499 euros seulement. Soit 150 euros de moins. Maintenant dans nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Hésitez moins, vivez plus. Découvrez le monde grâce aux incroyables tarifs Book & Pay de Connections. Débutez votre aventure dans l'un de nos travel shops ou sur connections.be. Connections. Go. Explore. Un problème, Camille? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Et demain, c'est le Mémorial Van Damme. Qui a des places autour de la table pour le Mémorial? Non. Et pourtant, demain, il y aura notre Nafi. Notre Nafi, c'est elle que vous relouquerez tout à l'heure. Oui, voilà, Nafi Siatiam, donc 22 ans. Notre numéro 1, Nafi Siatiam. Tu dis soit Nafi, soit Nafi Satoum, mais tu choisis. 22 ans. Oui. Dites-le bien au moins une fois. Nafi Siatoum. Non. Nafi Satoum. Non. Ou alors on relouquera quelqu'un qui n'est pas connu. La connue, c'est Nafi Satou. Voilà. Inscrivez-vous au Kikadi dès maintenant. Vous pouvez venir jouer avec nous tout à l'heure. Identifiez une citation, un cadeau à la clé. C'est au 3063. Vous indiquez « Je veux jouer ». Nom, prénom, coordonnées complètes. On se rappelle tout à l'heure, le cadeau est parfois d'ampleur. Souvent d'ampleur, d'ailleurs. Inscrivez-vous dès maintenant, on papotera un peu ensemble. Il est 8h25, Sarah, le Zaptélec, télépro.be, et donc la preuve qu'il y a parfois des pressions politiques sur les chaînes de télé. Du rififi encore pour la télé française. Alors vous savez, les présidentielles arrivent, c'est en 2017, les primaires des partis, ça c'est dans quelques semaines, et du en coup, France. On reparle de Nicolas Sarkozy, oui en France, avec sa relation trouble qu'il entretient avec les médias. Deux éléments, d'abord un reportage, on parle beaucoup de lui, pourquoi? Parce que c'est un reportage sur l'affaire Big Malion, affaire de sous dans sa campagne de 2012, qui devait être diffusée ce soir au JT de France 2 avec Pujadas, et il aurait dit, c'est bien du conditionnel, si vous diffusez le reportage ce soir, je ne viens pas d'envoyer spécial le 15 septembre pour la nouvelle des menaces. Résultat des courses, ce soir ils vont diffuser un court extrait de ce reportage et on ne sait pas pour la suite. Voilà. Deuxième élément, sorti hier, le livre de Patrick de Carolis, qui a été président de France Télé entre 2005 et 2010, qui sort son livre Les ailes intérieures, où là aussi il parle des tentatives d'intimidation de Nicolas Sarkozy via les médias. Il lui aurait dit tout de go au président donc de France Télé, genre si tu veux être réélu, si tu veux redevenir le président de France Télé, tu dois me sortir. Laurent Ruquier, Patrick Sébastien, Patrice Duhamel, Arlette Chabot, François-Olivier Gisbert. Toute la clique, quoi. Et donc, Patrick de Carolis nous dit, j'ai pas accepté. Sinon, il n'y avait plus personne. Évidemment de rumeurs, c'est pas concret. Dieu sait que j'en ai des appels pour que Christophe Grandjean ne soit plus dans le 8-9. Dieu sait, je renonce. Et pour que David Jean Motte ne soit plus. Non, remplace Christophe Grandjean. Oui, bien sûr. Dieu sait. Est-ce que Christophe Grandjean est bankable comme les Sarkozy? Parce que c'est vrai que tout le monde se l'arrache là-bas. Bien sûr que Christophe Grandjean est bankable. Bien plus que si tu racontes. Mais bien sûr que Christophe Grandjean a des maîtresses et des amants. Bien sûr. Mais avec quoi tu vis? J'en fais partie.

Et donc, nous appliquons le même règlement pour tous les gens qui travaillent à Uccle. Jonathan Biermann, l'échevin en charge du stationnement à Uccle, qui était notre invité dans Vive un matin. Il sera donc interpellé ce soir par des profs, notamment lors du conseil communal. C'est une info qui pourrait surprendre. Une nouvelle école vient d'ouvrir à Skerbeek et pourtant, elle ne possède pas encore de permis d'urbanisme. Le projet Single Lane a été monté en moins de 2 ans par des parents. Cette école devrait grandir au fil des ans, mais pour l'instant, elle a donc ouvert avec une centaine d'élèves en première secondaire, mais sans donc disposer encore de permis d'urbanisme. Alors, comment est-ce possible, Hélène Maquet ? Au mois d'avril dernier, les parents qui portent le projet d'école déposent leur demande de permis. Extrêmement rapidement, elles passent tous les stades de la procédure. Au mois de juin, le dossier arrive sur le bureau de l'urbanisme à la commune de Skerbeek. Et c'est là que ça coince. Il n'y a pas assez de temps pour réaliser l'enquête publique avant les vacances. Or, c'est une prescription légale. L'enquête publique est donc reportée au mois d'août. Le dossier prend donc du retard. À la rentrée de septembre, il n'est pas clôturé. L'école fait tout de même sa rentrée. L'échevin de l'urbanisme de la commune de Skerbeek, Frédéric Nimal. On a dit à plusieurs reprises, effectivement, que s'ils ouvraient, ça serait irrégulier et qu'on ne pouvait pas couvrir cela. Aujourd'hui, la commune demande à l'école de se mettre en règle le plus rapidement possible, même si l'école ne peut rien faire de plus qu'attendre la fin de la procédure. Les autorités communales, de leur côté, ne comptent pas exiger la fermeture de l'école. Alors que des enfants y ont fait leur rentrée, le permis d'urbanisme pourrait être accordé dans le courant du mois d'octobre. Et cette histoire d'école sans permis d'urbanisme fera sans doute réagir l'invité de BX1. Ce jeudi, c'est le député écolo bruxellois Christos Doulkeridis qui répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu. Rendez-vous vers 12h45. Ce jeudi, c'est aussi la journée mondiale de l'alphabétisation, une thématique qui prend encore plus de sens avec les milliers de réfugiés qui ont débarqué en Belgique ces derniers mois. Des réfugiés qui ont besoin d'apprendre à lire et à écrire avant de pouvoir essayer de trouver un emploi. Et à Bruxelles, plusieurs associations en ont fait leur cheval de bataille. C'est le cas des Ateliers du Soleil dans le centre bruxellois. François Garit s'est installé au fond de la classe pendant un cours reportage. On a parlé de quoi ? Quel aspect ? L'aspect physique. Dans la classe du professeur Mourad, une vingtaine de réfugiés suivent la leçon du jour. Au total, les Ateliers du Soleil forment près de 300 personnes analphabètes. Éducation, scolarité, santé, tous les cours sont basés sur des thèmes concrets de la vie courante. Comment tu vas à l'hôpital ? Comment tu vas chercher le travail ? Avant, j'entre à le supermarché, j'achète les choses et je ne sais pas comment s'appelle ça. Mais maintenant, je comprends toutes les choses. Très vite, ces hommes et femmes comprennent qu'il est dans leur intérêt d'apprendre le français pour réussir à remplir les tâches de la vie quotidienne par eux-mêmes. Élise Thierry, assistante sociale au sein de l'association. On peut dire qu'on est arrivé à notre objectif quand la personne est autonome dans la vie courante, mais aussi qu'elle a pris conscience de sa place dans la société. Pour encadrer ces apprenants, une vingtaine de personnes sont rémunérées au sein des Ateliers du Soleil. Mais pour pouvoir travailler dans des conditions optimales, les moyens financiers octroyés ne suffisent pas. Yucha Saponara, directrice du centre. On est soutenu par diverses instances belges, également européennes, mais c'est très limité. On n'arrive pas du tout à faire un travail que l'on voudrait faire. D'ici quelques mois, les apprenants rencontrés ici pourront profiter pleinement de leur formation. Mais le chantier de l'alphabétisation reste ouvert. En Belgique, un adulte sur 10 ne sait ni lire ni écrire. Le Théâtre Royal de la Monnaie, lui, sera fermé plus longtemps que prévu. Les travaux de rénovation du site devaient s'achever en décembre. Ils se termineront finalement en juin de l'année prochaine. Plusieurs imprévus ont en fait ralenti le chantier sur place, Nicole Debar. La mauvaise qualité des terrains et les marécages sous la Monnaie ont nécessité un renforcement des fondations. D'autre part, il a fallu persuader tous les intervenants de la nécessité d'un système technique de scène totalement silencieux afin de les utiliser pendant les représentations. Mais tous ces travaux auront un impact international. Dominique Mertens, responsable des travaux. Donc on pourra bien plus facilement accueillir des productions internationales pour plusieurs raisons. Le plancher de scène est entièrement refait. Il est placé à l'horizontale, comme les autres opéras, ce qui nous permettra d'accueillir beaucoup plus facilement des productions sans devoir les retravailler profondément. Et d'autre part, l'acheminement des décors se fera d'une façon beaucoup plus fluide par rapport à ce que nous connaissions précédemment. Et donc là, nous allons gagner effectivement des journées et des journées de montage et de démontage. D'autre part, tous les fauteuils de la grande salle seront reconstruits et les tapisseries murales seront identiques à celles qui ornaient la Monnaie lors de sa création. Et en attendant donc cette réouverture en juin 2017, eh bien les spectacles se donnent sous un grand chapiteau aménagé du côté de Tours et Taxi. L'opération, ce retard, devrait avoir quelques conséquences financières pour l'institution du Théâtre Royal de la Monnaie. Voilà qui referme ce journal. Je vous laisse avec Benjamin Maréchal et ses chroniqueurs pour la suite du 8-9. On vous souhaite déjà une très belle journée. À 9h, c'est vous qui lit et trois débats sur la table. Hier, deux militaires ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman déposait un document au syndicat. Est-ce que c'est normal comme pratique? Vous le direz. Après Charleroi, Molenbeek. Hier, deux policiers ont été poignardés par un homme expulsé du territoire. Il avait un but précis, a dit la policière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics? Et puis, si vous conduisez sous influence, la police pourra vous retirer le permis pendant 6 heures au lieu de 3. On dessoule en 6 heures ou plus vite que ça? Marion Jomotte, standard ouvert. Ça y est, les lignes sont débloquées, le standard est ouvert. Alors téléphonez au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. N'oubliez pas non plus notre page Facebook. Les trois sujets de ce matin s'y trouvent déjà. On va sur les routes avec Serge, notre motard Europe Assistance à 8h37. Serge, comment ça se passe en ce moment? Alors, des nouvelles déjà de Montgomery. Si vous quittez la E40 pour aller vers Montgomery, vous allez perdre 5-6 minutes, ce qui n'est pas trop grave. Par contre, pour aller vers le tunnel Rayer-Centre, là, un petit peu plus. La file est un petit peu plus longue. Alors, file également dans le chantier du boulevard de la Wolu, côté Wolu et Saint-Etienne. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans les deux sens. Sur le ring, rien spécial à signaler. Un petit peu moins de file que d'habitude. Pareil sur les autoroutes. Et alors, pour terminer, le chantier dont je parle tous les jours, parce qu'il me fait pester, parce que je passe par là plusieurs fois, c'est le chantier de la nationale 275. Et bon, ça touche à sa fin. Il n'y a plus qu'un petit morceau de route à réparer, donc normalement, donc juste avant Grenada, normalement, ça devrait être fini, à mon avis, aujourd'hui. Ah, c'est ce qu'on dit, hein, Serge, la patience est une vertu. Voilà. Allez, courage, on vous donne rendez-vous tout à l'heure, dès 15h dans l'aller-retour. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Olivier, qu'est-ce que tu fais? J'inspire le quartier. Comment ça? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75, 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Le 8-9. Attention, c'est comme aux Jeux Olympiques. On n'a pas deux chances quand on est en finale. David, qui allez-vous relooker tout à l'heure? Nafissia. Non, mais il perd la finale. Nafissa Toutiam. Attendez, je ne vous parle pas des frères Brolet. Non. Alors ne me parlez pas de Nafissatoutiam. Nafissatoutiam. Et c'est même écrit, il n'arrive pas à lire. C'est noté important. Alors que dans le dossier des SK, on parlait de... Je ne sais plus. Eh bien aussi. C'est quoi sa spécialité? Oh non. Si, dites ce qu'il y a votre feuille. Si, parce qu'il y a trois fautes d'orthographe, donc allez-y, oui. C'est le heptathlon. Oh, c'était en haut, oui. Ouais. Ah. Sauf qu'elle sera là demain au Van Damme pour du saut en hauteur. Donc voilà. Je vais vous laisser un petit 10 minutes. Vous prenez du temps pour vous. Je vais rectifier. Vous préparez tout ça à votre aise. Alors, nous allons au théâtre ce matin avec une pièce qui circule en Wallonie et à Bruxelles, à Namur, Liège, Bruxelles. Ça s'appelle Petits crimes conjugaux, inspiré du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Qui est à l'affiche de cette pièce? C'est un gars qu'on a vu dans ces années-là, dans Bon Week-end. Vous êtes Berlu? Ben oui, un petit peu, oui. Ben alors, Berlu, il vient en général avec son t-shirt jaune et sa salopette bleue. Oui, ça c'est le personnage, effectivement. Ouais. Oui. Alors dans la vraie vie, c'est quoi votre nom? Luc Bernard, voilà. Berlu ne s'appelait pas Berlu. On fait deux secondes d'histoire avant de parler de la pièce, parce qu'évidemment on a ces images-là en tête. Bon Week-end, ça nous replonge en... On était en quelle année à ce moment-là? Oh, c'était 96, 97, 98. Ouais. Vous l'avez encore fait sur scène longtemps après? Oui, bah oui, quand même, bah encore au dimanche dernier. On m'a demandé pour refaire le best-of. Forcément. Alors j'explique aux jeunes, rapidos, enfin non, vous allez expliquer aux jeunes qui n'ont pas connu Berlu. Donc le mec avec sa salopette, il était un peu, je dirais, cool. Et puis, physiquement, un peu Coluche déjà dans les couleurs, hein, avec la salopette et le t-shirt jaune. Hein. Ouais. Sauf qu'il y a le petit pompon dessus sur la tête. Ouais, il était plein. Comment alors le gars? Il était plein de bon sens, quoi. C'est ça, naïf, plein de bon sens, pied dans le plat. Ouais. Et aujourd'hui, regardez sa chemise noire, regard fier. Éric Emmanuel Schmitt. Est en lui. Oui, alors la pièce s'appelle effectivement Petits crimes conjugaux. Tout à fait. C'est inspiré du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Je donnerai toutes les dates après. Il faudrait expliquer le truc, parce que c'est génial. Gilles est amnésique. Gilles, c'est vous. Oui. Et il découvre à ce moment-là que... C'est-à-dire qu'il arrive dans son appartement, il ne reconnaît pas son appartement, il ne sait plus qui il est et il ne sait pas qui est sa femme, il ne la reconnaît pas. Donc voilà, donc il arrive complètement amnésique et sa femme l'amène dans l'appartement en lui disant, voilà, il faut qu'on se retrouve. Quoi. Ouais. Et il doit croire sur parole qu'elle est sa femme, et il doit croire sur parole qu'il est chez lui. Oh, mais à ce moment terrible, il lui dit, t'as failli me tuer, chérie, en plus. Oui, ça, au milieu de la pièce, on découvre, voilà, tu as failli me tuer. Mais voilà, en fait, ça, c'est plein de rebondissements parce qu'Éric Emmanuel Schmitt, qui a vraiment voulu tuer qui et est-ce qu'ils se sont vraiment entretués. Attends, parce qu'après je raconte la fin. David, ton mari est amnésique. Oui. Tu finirais par lui dire qu'il essaie de te tuer ou tu passes ça sous silence? Oh, je passe ça sous silence. Ouais, Sarah. Ah, moi je m'en vais, en fait. Non. Oui, en fait, on pense pas à ça. S'il essaie de me tuer, moi je m'en vais. Voilà, je reste pas plus. Et oui, c'est plein de bon sens. Sauf que, tout n'est que mensonge. Au final, voilà. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore lu la fin du bouquin. N'écoutez pas. Il est vraiment amnésique ou il n'est pas vraiment amnésique? Voilà. Il ne sait plus. Il est dans le rôle. Il ne sait plus. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse un peu plus précise que... Non, il n'est pas... Parce qu'il n'est pas obligé de répondre. Forcément. Oui, c'est un petit peu ça. Colonel Moutarde. Faut-il dévoiler les choses pour ceux qui vont aller le voir? Ah non. Ah si. Ne spoiler rien. Ah non, alors je suis désolé, on vote. Qui veut connaître la fin? Bien sûr que non, enfin, vous êtes tout seul encore une fois. Mais enfin, c'est quoi? La majorité n'a pas toujours raison. C'est ça le grand enseignement. C'est un 2 sur scène, donc il y a vous face à madame. Face à Lisa Lorraine David, qui est une comédienne, et pour moi... extraordinaire parce qu'elle sait jouer autant la comédie que le dramatique que le classique et j'ai beaucoup de chance de jouer à ses côtés. Et vous savez qu'il y a quand même un truc, qui a joué cette pièce-là en 2003 à Paris? Qui a joué votre rôle, vous savez? Oui, c'était, comment le regretter, Bernard Giraudeau. Avec Charlotte Rampling. Oui, tout à fait. Vous l'aviez vu la pièce à l'époque? Je ne l'ai malheureusement pas vu, non, mais effectivement c'était un sacré challenge de jouer ce rôle. Alors les dates, 21-23 octobre à la Ruelle au Baladin, c'est à Namur. Du 10 au 13 novembre à la Comédie à Liège, février 2017 au Rancard à Liège. Vous faites une date à Bruxelles aussi? Une date à Bruxelles qui est heureusement complète, voilà, je suis au Fou Rire Théâtre. Donc c'est une tournée Bruxelles-Wallonie. Voilà. Vous faites quoi en dehors? Parce que Berlu, on vous retrouve dans Petits crimes conjugaux, il faut voir ce que vous faites sur le côté. Alors c'est marrant, vous faites des spectacles pour les enfants, notamment les petits. Mais oui, vous faites quoi? Vous chantez? Des comédies musicales, en fait, c'est des petites comédies musicales de 50 minutes. Et vous chantez? Où je chante. Qui veut un extrait? Moi, par contre, là, j'ai vu un extrait. Hein, je vous en prie. Allez-y. Qui fait rire les enfants, c'est Clowny. Qui sème la joie tout le temps, c'est Clowny. Elle plaît aux petits et aux grands avec ses blagues, ses bêtises. Et elle fait rire tout le temps avec plein de bruit et de sottises. Oh, ouais. C'est juste en plus. Je me suis demandé aussi. Et vous êtes habillé en Clowny, en Clowny? Non, pas du tout. En fait, il y a trois personnages différents puisque c'est trois comédies musicales différentes. Et vous faites des claquettes? Je fais pas des claquettes. Le jour où je ferai des claquettes. Une comédie musicale sans claquettes. C'est pas la même chose. Mais... Non, en fait, il y a une histoire, il y a tout un. Oui, enfin, mais ben. Le cliché, quoi. Alors là, mais je suis prêt à sortir. Des claquettes. Une comédie musicale sans claquettes en 2016. C'est pas l'idée que j'ai des comédies musicales, mais bon. Nous non plus. Eh ben si, Fred Astaire. Enfin bon, soit. Oui, d'accord. Alors c'est marrant parce que chaque fois que vous revenez, c'est avec un spectacle qui est basé sur le couple parce que vous avez joué pour les grands enfants la ménagère. La ménagère apprivoisée, c'est vrai, ça, c'est une pièce que j'ai écrite. C'est lié au couple. La bonne à tout défaire. La bonne à tout défaire, mais vous êtes toujours sur des trucs qui sont liés au couple homme-femme. Pas obligatoirement. J'ai joué aussi La bonne planque, Duo sur canapé. Oui, c'est vrai. Vous êtes un homme à femme. J'aime la femme. Il a réfléchi aussi, comme tout à l'heure, quand il a fait... Alors, c'est un petit fripon, ce Berlu. J'aime la femme, oui. C'est un ami à Jérôme. Ce Berlu. Vous voyez pour votre comédie musicale, est-ce que vous pourriez engager ? C'est absurde. Ça n'a aucun sens. C'est tellement vrai. Bon, c'est fini, les trois début pet show. On peut travailler un petit peu. Juste un mot sur le théâtre, parce que des pièces belges, il n'y en a pas énormément. On sait, il faut bien se le dire, que celle du télévis, elle cartonne, parce qu'il y a la médiatisation liée à la télévision. Petit crime conjugaux, vous allez de salle en salle, mais c'est facile de tourner en région francophone ? Bah, c'est pas évident, effectivement, mais là, on espère tourner 2 ans avec cette pièce-là, parce qu'il y a les centres culturels qui sont intéressés, donc on va pouvoir suivre ça sur la page Facebook Petit Crime Conjugaux. On mettra toutes les informations au fur et à mesure. Vous avez rencontré Eric Emmanuel Schmitt ? On l'a rencontré 2 fois, oui. Il va venir vous voir ? Il n'a pas le temps de venir nous voir, par contre il a demandé une vidéo parce qu'il aimerait bien... Ça met la pression ça, non ? Oui, quand même, oui. Et dans la vidéo, vous lui chanterez Clooney ? Non. À mon avis, c'est une erreur. Je vais le préserver. C'est une erreur, à mon avis. Alors, Petit Crime Conjugaux, 21-23 octobre à la Ruelle au Baladin Namur, 10 au 13 novembre, Comédie à Liège, février 2017 au Rancard de Liège. Merci Luc Bernard, donc, d'être passé ce matin. Mais avec grand plaisir, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est qui va jouer après la pub ? C'est pas nous. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Pendant les foires au vin, que recherchez-vous ? Des bons prix ou des bons vins ? Chez Intermarché, on vous propose les deux. Comme ce blé Côte de Bordeaux Château Les Charmes Vieille Vigne 2015 en 4 plus 2 gratis, soit seulement 3,99€ la bouteille. À découvrir absolument, parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval. Votre shopping au fil de la laine. Oh chérie, c'est ouvert ! Mais quoi ? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier ? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Le 8-9. Et nous sommes à Ligny. Bonjour Damien. Bonjour, bonjour. Vous êtes d'accord que dans une comédie musicale, il y a des claquettes normalement ? Oui. Ah, voilà. Parce qu'il veut gagner un cadeau, voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Plaisir, pas du tout. Damien, vous dites ça pour me faire plaisir ou vous êtes un amateur, oui. Un vrai ? Non, pas vraiment amateur, non. Alors, pas amateur de claquettes. Quel genre d'homme êtes-vous, Damien ? Vous courez un peu ou pas ? J'ai couru. Je vais recommencer, je prends des bonnes dispositions pour la rentrée, mais j'ai couru, je vais recourir. Ah ben c'est très bien. Comment s'appelle notre championne d'heptathlon ? Elle s'appelle ? On va demander à David. Oh, oh bah non, on peut plus. Nafis, il y a tout. Nafis, ça, Nafis, ça, c'est maintenant. Non, Damien. Je n'y arriverai jamais. Excuse-moi, ma belle. Non. Je t'embrasse, je t'aime. Excuse-moi. Elle ne vous aime pas, là, visiblement. Damien, voici le Kikadi. Un mot à une citation à identifier, un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fonck et vous demandez l'aide de quelqu'un autour de la table dans un instant. S'il n'y avait pas eu 1200 élèves dans l'auditoire en journalisme, le jour où je suis allé m'inscrire, j'aurais fait le journalisme. S'il n'y avait pas eu 1200 élèves dans l'auditoire en journalisme, le jour où je suis allé m'inscrire, j'aurais fait le journalisme. Qui dit ça ? Qui qu'a dit ? Alain Souchon, qui aurait aimé être journaliste ? Bruno Venanzi, qui regrette l'achat du Standard et aurait voulu être journaliste ? Ou Caroline Veit, visage de la 3, qui aurait voulu être journaliste ? Vous pouvez demander l'aide de Jérôme, David ou Sarah, Damien. Vous voulez qui ? Sarah ? Yes, Sarah. Salut Damien. Ça va être dur, ma belle. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite Sarah ? Aucune idée déjà, Damien, mais je dirais plutôt Caroline Veil, qui a une nouvelle émission, Sentinelle, et qu'on voit un peu dans la presse. Elle est comédienne. Vous me demandez si j'allais vous donner la réponse. Non. Ouais. Damien, vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre, vous me dites. C'est vrai. Je pensais également également à Caroline Veil. Oui, moi aussi. Bonne réponse. Bravo. Damien, on a gagné. Bravo. Effectivement, avec une nouvelle émission qui s'appelle Les Sentinelles, qui démarre ce 29 septembre sur la 3. Le cadeau pour vous, c'est le DVD Paul McCartney, le concert. Wow. Tribute to Paul McCartney. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fonck pour le live de vendredi, Damien? Séraphin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis courtier en assurance et Séraphin Lampion, c'est l'assureur de Tintin. Bien joué, bien joué. Il y a une belle référence historique. Alors c'est noté, Séraphin. Damien, bonne course et on se croise en plein running un de ces quatre. À bientôt. À bientôt, au revoir. Salut Damien. On quitte Ligny pour relooker dans un instant Madame Triam, vous savez, l'heptatrontienne. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offert sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Jusqu'à 9h, le 8-9. Vous pouvez me filer votre éventail, David? Oui, il fait très chaud, Benjamin. Il est mourant de chaud dans cet établissement. La Kuig est ventilée, donc. Ah, mon Dieu, elle sera aérée. Fin des charters chinois à l'aéroport de Liège, quel serait votre proverbe asiatique illustrant cet état de fait? Sur la page Facebook du 8-9, Ludovic Buchens nous dit: Liège, on aime ou on la quitte? Ok, Jean-Marie Langlais. Je fais un bruit. Attention, quand le Pékinois ne t'apporte plus le bonheur, dans le Pékinois, ton chagrin. Les centrales nucléaires belges auront bientôt leur propre unité antiterroriste. Comment la nommeriez-vous? Eh bien, vous pouvez la nommer sur la page Facebook du 8-9 qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Laissez votre commentaire. Le plus sympa est épinglé demain. Il est 8h54. Attention, David, attention. Nous allons donc à la veille du mémorial Van Damme où, événement, nous verrons notre championne médaille olympique d'heptathlon. Au saut en hauteur, voilà. Nous allons relooker notre ami Nafi, c'est son petit nom. Voilà, c'est résumé. Nafi Tiam. Donc, elle a 22 ans, elle mesure 1m87, elle pèse 72 kilos, elle est belle, elle était lancée, comme dirait la communauté black, c'est une belle gazelle. Hein. Et donc, par rapport. Mais oui, c'est une belle gazelle, il les appelle comme ça. Et donc, je voulais simplement dire, donc, au niveau donc, de ses tresses. Donc, par rapport à ses tresses, elle aurait pu faire autre chose. Moi, j'aime bien ce côté. Là, c'est classique, elle a la tresse classique. Quoi. Tresse classique, je veux dire. Droite. Nattes, voilà, donc droite, on aurait pu directement donc les tresser directement sur le sommet du crâne. Il y a plein de choses à faire justement quand on a les cheveux donc crépus. On peut rajouter des peignes, on peut rajouter des extensions, on peut faire énormément de dessins qu'un cheveu. Les extensions quand tu fais de l'heptathlon, je sais pas si c'est. Ne le tressez pas. Hein. Ah mais ça, ce sont des extensions. Ah là, hein. C'est des extensions. Ah, bien sûr. Attends, qui a de longs cheveux, Sarah? Vous voyez qu'elle a des extensions? Oui. On voit le petit nœud. C'est un peu plus long que ses cheveux naturels. Ouais. On voit le petit nœud. Regardez. Juste au-dessus du crâne. Parce que David nous montre une photo et on voit un truc qui a l'air un peu bricolé. Oui, ce sont des extensions. Donc moi, j'adore parce qu'elles sont affinées. Je sais pas comment on dit. Elles sont très belles. Donc j'aurais voulu qu'elles elle aurait pu être plus originale, je veux dire, dans sa présentation, pour avoir une coupe beaucoup plus sophistiquée, en sachant que les filles, justement, donc afro ou métissées, donc adorent aller chez le coiffeur. Il faut savoir que c'est leur budget numéro 3 par rapport à leur budget global. C'est quoi le 1 et le 2? Le 1, c'est donc remettre de l'argent donc, à la famille. Le 2, c'est remettre de l'argent, donc si on a des croyances. Alors, écoutez, Concentrez-vous. Vous avez été, c'est donc, une politique chez les Mormons. Non, justement, c'est un budget. Elles ont vraiment un budget qui est beaucoup plus élevé donc, chez nous, les Européens. J'ai peur de son portrait sur les populations. Mais non, je Mais si. Alors, les Chinois, en 1, le riz. En 2, si vous faites peur. Donc, simplement pour vous dire, au niveau maintenant, donc, elle a les sourcils qui sont bien faits, donc les cheveux, elle aurait pu les attacher. Alors, pour les petites taches qui sont sur le visage, donc, faites attention. Donc, quand on a une peau, donc, justement, qui est brune, on essaie de faire attention donc, aux piqûres d'insectes. On ne gratte pas, on ne perce pas les boutons, parce que sinon on a des petites... On cicatrise moins bien. Bah, les peaux blanches aussi. La peau blanche, ça se voit un petit peu moins parce que c'est dans le rosé. Ici, on a vraiment une tache qui devient vraiment très, très brune. Mmh. Donc, comment améliorer ceci? Il ne me croit pas en plus. Mais je vous crois. J'ai le droit de sourire. Comment récupérer alors? Donc, on doit vraiment donc, faire des petits peelings, justement, pour user légèrement donc, la peau. Ouais. Donc, des scrubs, des petits peelings. Et alors aussi, donc, après, on peut vraiment faire donc, dans du médical. On a vraiment. Soyons crédibles. On a vraiment. Des soins de dépigmentation, mais ça doit se faire vraiment chez le médecin, chez le dermatologue. C'est super important. Donc, pas chez David, chez le médecin. On peut l'enlever. Ok, c'est très bien. Merci pour le relook de Madame Nafissa Touttiam, qui sera donc demain au Van Damme. Vous avez peut-être des places, c'est un événement, vous le savez. Alors, autre relook, Marc Lavoine, qui revient avec un nouvel album. C'est un conte musical, cruel, dit-on. L'album s'appelle Les Souliers Rouges. Il est d'ailleurs dans le ciné-télé-revue de cette semaine. Marc Lavoine. Alors, Marc Lavoine, donc, il a 54 ans. C'est un bel homme. Bon, maintenant, il est un. C'est un bel homme. Donc, il sait bien s'habiller. Toujours bien chic, bien bon chic, bon genre sur lui. Élégant. Moderne, élégant. Les cheveux, nickel. Par contre, bon. On a de la maturité au niveau de la peau. Donc la peau... Ah, ça c'est joliment dit ça. Ah, ça c'est joli. Non mais voilà. Donc... T'as des rides ? Non, tu es mature. Donc il est mature. Épidermiquement. Donc notre ami donc, Marc Lavoine donc, se teint les cheveux. Et donc je pense qu'il faudrait conseiller donc, à son coiffeur ou peut-être lui-même de faire les sourcils. Parce que les sourcils sont beaucoup plus poivre et sel, même plus sel que poivre. Et donc pour ne pas qu'il y ait un décalage donc, avec les cheveux. Et pour justement assouplir ces rides d'expression, donc il faut prendre des antioxydants. Donc, antioxydants, on les retrouve donc, dans du thé blanc, dans du thé vert. On se fait aussi des massages à l'huile. Ça va permettre donc, à la ride donc, de s'assouplir et d'être moins profonde. Et on prend surtout donc, vitamine E. Ah, bien vous êtes sûr? Parce que j'ai pas envie de... vitamine C. Okay, parce que justement, et de la vitamine D. Donc c'est ça qui va vraiment faire que votre peau va être vraiment nickel. La vitamine C. Non, la vitamine D est très importante. Mettez-vous d'accord, je vous redemande dans un instant. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon, Denis, vous voulez le verdict sur cette vitamine à prendre ou pas? Oui, dites-moi tout. Alors, attention, après concertation avec Jérôme, qui a été médecin également, la bonne vitamine est là. La vitamine C, mais elle ne dira rien. Non, la vitamine D. La vitamine D dira tout. Ok. Oui, et je rappelle aussi que l'antioxydant n'est pas un terroriste. Oui, absolument. Bien sûr. Cette précision importante étant en fait... Merci. Soleil ou pas? Oui, soleil, plein soleil aujourd'hui, avec peu ou pas de nuages. Ce sera la plus chaude journée de la semaine, 28 degrés dans le centre, 29 du côté de la Campine, 24 à 25 sur le littoral ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne. Demain, toujours aussi peu de nuages, mais un petit peu moins de chaleur, 20 à 25 degrés, ça reste tout de même très agréable. Un petit peu plus de nuages pour le week-end, mais ça reste a priori un temps sec. Viva, 9h. Le journal avec Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Oui médaille, c'est l'objectif de notre pays aux Jeux Paralympiques de Rio. Oui, la flamme s'est rallumée cette nuit au stade Maracana. Aujourd'hui, place aux compétitions avec déjà des Belges engagés en tennis de table et en natation. Il y a 4 ans, à Londres, la Belgique avait ramené 7 médailles des Jeux Paralympiques.